Audiomatic. Music depresses me. Betrayed to hold Le groupe britannique James ouvrait cette transmission 253 d'Audiomatique avec sa chanson Play Dead de son album Whiplash sorti en 1997. Les sonoristes sont toujours enthousiastes de vous accueillir sur les ondes radiophoniques ou ailleurs pour vous surprendre avec leurs suggestions musicales et ainsi faire de chaque transmission d'Audiomatique une expérience imprévisible. We'll be right back. When the wind dies down and the howling stops, the hurting starts, then I hear your name. In this quiet time, this aching time, I can hear your fingers on the window pane. If I was in the dark, if I was in the light, we were walking through the forest of the night together. We were taken down, down into the heart of the blackest night, where we could sleep forever. Le danger. Nous Audiomatique, il s'agissait de la chanteuse canadienne Sarah Craig et la pièce « Break Wall » de son deuxième et dernier album « Miss Rocket » paru en 1997. Tout juste avant, le groupe anglais Hot Chip nous présentait la chanson « Keep Quiet » de leur quatrième album « One Life Stand » qui a été lancé en 2010. Et pour débuter, nous avions droit aux frères Phil et Paul Hartnell, qui sont mieux connus en tant que Orbital. Du deuxième album homonyme d'Orbital, nous avons entendu la pièce Remind. C'est au tour du groupe canadien Skinny Poppy d'assurer la continuité à Audiomatique. Oh, We are. Said to me, you got a lovely smile, and I'm saved, and I'm saved. I'm going back on every. Pour terminer ce segment musical à Audiomatique, nous vous avons offert le duo anglais Goldfrapp et la chanson Time Out from the World que l'on peut retrouver sur leur troisième album Super Nature, sorti en 2005. Précédemment à Goldfrapp, vous avez entendu la collaboration entre John Parrish et Polly Jean Harvey, mieux connu en tant que PJ Harvey. Ensemble, ils nous interprétaient la chanson « Hila » de leur album « Dance Hall at Loose Point ». Et ce qui amorçait ce bloc, c'était Skinny Poppy et la chanson « Nature's Revenge » extraite de leur sixième album studio « Too Dark Park » paru en 1990. Audiomatique se poursuit maintenant avec le groupe hollandais Xymox. Right by a river, slowly. À Audiomatic, c'était le groupe islandais Sea Bear et la chanson Hands Remember de leur premier album The Ghost That Carried Us Away qui est paru en 2007. Depuis leur deuxième album We Built a Fire en 2010, le groupe n'a produit aucun album, mais selon les rumeurs, il devrait briser ce long hiatus en 2019. Et ce qui débutait la séquence de deux pièces, c'était le groupe hollandais Xymox, qui a été fondé en 1981, puis qui a rapidement changé son nom pour Clan of Xymox, pour revenir à Xymox en 1989, et finalement, depuis 1997, le groupe a adopté le nom de Clan of Xymox. Donc, de Xymox, nous entendions la chanson « The Shore Down Under », de leur album Phoenix qui date de 1991. Pour que la transmission 253 d'Audiomatic puisse exister, il faut qu'elle ait existé et c'est la raison pour laquelle elle doit se terminer. Donc, pour clore cette transmission, nous vous offrons la pièce Cherry Pie d'Underworld. À Audiomatic, la conclusion d'une transmission annonce invariablement le début d'une autre et c'est mercredi prochain dès 17h que vous pourrez être les témoins auditifs de la naissance de la transmission 254 sur les ondes de C'est fou. Nous avons toujours en réserve nos anciennes émissions sur nos plateformes mixcloud.com/audiomatic et également facebook.com/audiomatic-CFOU. Si jamais vous êtes intéressé à en entendre davantage. Voici donc Underworld et la pièce Cherry Pie. C'était Audiomatic avec les sonoristes.